Où sont les Benz? Benz, Benz, Benz, Benz, Benz. Faut du cas si j'veux la Benz. Benz, gros 45, bang, bang. Où sont les Benz? Benz, je vais faire péter la Benz. Benz, pour l'instant j'suis dans mon Benz. Benz, Django, gros 45, bang. Street t'es sur ton Mac. On ne voit pas ton nom comme le jour des résultats du pack. Si t'es mignonne en plus bonne à tous les coups, je vais me faire avoir. Elle veut un mec qui a tout au lieu de l'aider à tout avoir. Pour ce brin est à la barrière, ou sur l'héliport, ou en position de la petite cuillère. Avec boucle d'or, les amis font la teuf. Les ennemis sont en chien. Chez nous les habits sont neufs et les hommes sont anciens. Gros gamos pour un rodé. Ceux qui font des vidéos et ceux qui se déplacent. Beaucoup font des allers-retours, retour, comme la cylindrée. On va prendre ce qu'on veut de force ou bien de plein gré. Où sont les Benz? Benz, Benz, Benz, Benz, Benz. Faut du cas si j'veux la Benz. Benz, gros 45, bang, bang. Péter la Benz, Benz. Pour l'instant, je suis dans mon Benz, Benz. Django, gros 45, bang, bang. Vous êtes à 50 sur une taille. Les abeilles veulent du Jack au miel. Je ne suis pas né de la veille. Fais ton job si tu veux ta paye. Paris, Dubaï ou Phuket, faut que tu me ralasses en passant. Faut que tu préviennes tes pinquettes. Je fais des grimaces en crachant. Mon bâtiment, face au large amiral du croiseur. Ennemi à 3 heures, je déferle comme une vague de noirceur. Je transporte des tonnes de punchline dans un camion cisterne. Tu vois flou et c'est déjà trop tard lorsque tu discernes. On se serre les coudes entre frères, le reste c'est du fake. Je ne viens pas souvent dès que je peux le faire. Je distribue des steaks pour compter toutes ces barrettes. Pas besoin d'un doctorat, ils voient rien comme Sokora. Sur le terrain c'est Gomorra. Où sont les Benz? Benz, Benz, Benz, Benz, Benz, Benz. Faut du cas si je veux la Benz. Benz, gros 45, bang, bang. Où sont les Benz? Benz, je vais faire péter la Benz. Benz, pour l'instant je suis dans mon Benz. Benz, Django, gros 45, bang, bang.